Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Il y a 10 ans, Haïti était frappé par un tremblement de terre de magnitude 7, autrement dit un tremblement de terre terrible. À la suite de cette catastrophe, les dons ont afflué parce que la communauté internationale a été très largement émue par la situation de ce pays. Et pourtant, rien, absolument rien ne s'est arrangé depuis en Haïti. C'est le Super Fail de la semaine. En cette période de fête, Port-au-Prince devrait être en effervescence, mais rares sont ceux qui s'aventurent dans les rues. Dans le centre-ville, les principales artères sont barrées. À pied ou à moto, ça passe. Les voitures, synonymes de richesse, ne sont pas les bienvenues. Ce sont les quartiers populaires qui manifestent contre le président accusé, comme ses prédécesseurs, de corruption. Abat Jovenel ! Jovenel, le boss est un voleur ! Abat Jovenel ! Abat Jovenel, voleur ! Jovenel, le boss est un pouvoir ! Et quand tout va mal, c'est aussi de la faute des autres. La faute de ces pays qui ont souvent beaucoup donné, mais pour les manifestants, pas aux bonnes personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que le président Jovenel est un domestique. Jovenel est un laquais. Ceux qui maintiennent Jovenel au pouvoir sont les Américains, la France et le Canada. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est un tremblement de terre, parce que tu regardes les gens mourir, ils n'ont pas de droit à la santé, pas de droit à l'éducation. Les écoles sont fermées. C'est plus qu'un tremblement de terre. Et le tremblement de terre qui fit plus de 300 000 morts changea beaucoup de choses. 14 milliards de dollars de dons venus du monde entier arrivèrent en Haïti. Ils marquèrent le point de départ du naufrage actuel. Aujourd'hui, la résistance dure depuis des mois. Une cinquantaine de morts, des centaines de blessés et un pays complètement paralysé. Super Fail. Frédéric Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chargé d'études pour l'ONG Centre Tricontinental et vous êtes actuellement en Haïti avec une liaison par Internet. Si l'on veut reprendre et comprendre la catastrophe qui est aujourd'hui en cours en Haïti, en fait, il ne faut pas partir du tremblement de terre, mais de la situation qui précède le tremblement de terre. Quelle est-elle ? Oui, je pense que pour comprendre le tremblement de terre, il faut comprendre que ce tremblement de terre a été précédé d'une catastrophe sociale, à savoir une pauvreté très forte, de grandes inégalités, une absence d'accès aux soins, à l'éducation, l'absence aussi de politique publique, un chaos urbain, une concentration très forte d'une population dans Port-au-Prince, la capitale, qui est une population très jeune et qui vit essentiellement dans les bidonvilles. Et donc ce sont tous ces aspects sociaux-là qui expliquent que le séisme du 12 janvier 2010, qui aurait fait beaucoup moins de victimes ailleurs, s'est traduit par autant de dégâts en Haïti. Et oui, et si on essaye de reprendre l'histoire d'Haïti, ce que vous expliquez, Frédéric Thomas, c'est qu'on est tout simplement dans un pays qui, lorsque l'on prend son classement, est aujourd'hui au 168e rang sur 189 selon l'indice de développement humain, alors qu'il était 149e sur 182 en 2007, donc avant le tremblement de terre. Bref, la situation a quasiment empiré. Oui, en tout cas, elle ne s'est pas améliorée. Si on regarde tous les indicateurs sociaux, comme la pauvreté a certes un peu diminué, mais touche près de 60% de la population, les inégalités sont au même niveau, sinon plus élevées. L'accès à la santé, à l'éducation, au logement reste très problématique. Le pays est toujours aussi dépendant, sinon plus. L'insécurité a augmenté. Et donc, si on regarde le bilan 10 ans après, en termes de comment les Haïtiens vivent, ils ne vivent pas mieux qu'auparavant. Ça veut dire que vous qui êtes en Haïti, donnez-nous concrètement des exemples du marasme dans lequel est ce pays, avec cette difficulté en matière d'infrastructure. Je dis difficulté, c'est un euphémisme. Mais donc, disons qu'au jour le jour, c'est la débrouille. C'est donc la difficulté d'avoir accès à l'électricité. Là, il n'y a que l'électricité quelques heures par jour. Donc, chacun, chaque famille a un peu son générateur. Même chose pour l'accès à l'eau. Il faut bricoler un accès à un puits, à des sources d'eau autonomes. Vous ne pouvez pas, c'est très risqué de se blesser, de se casser un bras parce que pratiquement tous les hôpitaux sont dysfonctionnels. Il n'y en a que certains qui fonctionnent. Il manque de médicaments. Les écoles viennent seulement d'ouvrir, mais elle manque de professeurs, de moyens, les salaires ne sont pas payés, le fatras, les déchets dans la rue s'accumulent, il y a très très peu de services publics, donc la vie au quotidien est une survie, et d'autant plus qu'avec l'inflation et la dévaluation de la gourde, le coût de la vie a augmenté. Alors si on va par exemple dans les magasins, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce que on trouve quelques denrées mais à des prix importants? Comment ça se passe, Frédéric Thomas? Non, dans les magasins, on trouve un peu de tout, mais essentiellement importé, donc à des prix élevés et de toute façon inaccessibles pour la majorité de la population. Haïti est le pays le plus pauvre d'Amérique latine, mais c'est surtout l'un des plus inégalitaires. Et cette inégalité, elle se marque très fort avec une élite qui vit en important tout et une population sur place qui n'a accès à rien. Donc c'est ça qui est choquant et dont on va en reparler, mais l'humanitaire a participé un peu de cette reproduction des inégalités auprès d'une population qui a entendu parler de tout cet argent qui était censé arriver et qui n'a vu aucune différence. Et oui, parce que c'est ça qu'on ne comprend pas. 2 mois après le tremblement de terre à New York, les pays se sont réunis et alors Ban Ki-moon, qui était secrétaire général des Nations Unies, a rassemblé une somme énorme, 10 milliards de dollars, pour reconstruire, ce sont ses mots, le pays en mieux. Où sont allés ces 10 milliards de dollars, Frédéric Thomas? Alors d'abord, il faut bien comprendre que ces 10 milliards de dollars, c'est une annonce. C'est-à-dire que cela mêle des promesses de dons, des dons effectifs, des prêts, mais aussi de l'argent qui était déjà budgété, des annulations de dettes. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au cours de ce sommet international, comme lors d'autres événements d'importance, chaque pays va faire un peu la surenchère, va essayer de prouver sa générosité. Donc dans les faits, ces 10 milliards de dollars ne sont pas l'argent qui va effectivement être déboursé sur le terrain. Première chose. Deuxième élément, l'essentiel de cet argent a été déboursé un peu en vase clos. Il a d'abord passé par les agences de l'ONU, les ONG internationales, pour rembourser, par exemple, le ministère de la Défense américaine quand il envoie des militaires sur place. Donc, l'essentiel. Parce que ça, c'est payant, par exemple, Frédéric Thomas. Ah, bien sûr. C'est payant, de même quand la France envoie la protection civile et les gendarmes, c'est payant. Et ça fait partie de c'est l'argent qui va être servi à rembourser le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur français, fait partie de la somme annoncée de la France pour la reconstruction de Haïti. Et oui, parce que il faut le dire, effectivement, ça n'est pas forcément quelque chose auquel on songe. Sur ces 10 milliards de dollars, êtes-vous capable aujourd'hui de nous dire quelle est la part qui a été véritablement débloquée et non pas qui a été promise mais non versée? Mais non, malheureusement, c'est très compliqué parce qu'en fait, on a un suivi à peu près jusque pour les 2 premières années, mais par après, l'ONU a tenté de dresser un panorama général, mais c'est compliqué. Mais par exemple, sur la France, quand Nicolas Sarkozy se rend quelques semaines après en Haïti, il annonce 325 millions d'euros pour la reconstruction. La Cour des comptes en France fait le décompte. Et si on enlève l'argent qui va aux gendarmes, l'argent qui était déjà budgété, et des dons en nature, mais de voitures usées de plus de 5 ans, la Cour des comptes estime que le coût a déjà été amorti. Grosso modo, c'est un peu plus d'un tiers de cette somme qui n'est pas envoyée. Donc, vous voyez qu'entre les effets d'annonce et ce qui arrive concrètement, là, on est de l'ordre de 2 tiers. Or, on peut estimer que dans les 10 milliards de dollars annoncés pour Haïti, c'est un peu l'équivalent. On va être autour de 60 à 70% qui va être déboursé. Mais encore une fois, un des problèmes, c'est l'absence de transparence, cette opacité entre les effets d'annonce des sommes qu'on a promises, et sur le terrain, on n'arrive pas à rendre compte de ce qui a été effectivement déboursé et pourquoi. Alors, in fine, il y a des sommes qui sont débloquées. Ces sommes arrivent-elles aux populations, autrement dit aux Haïtiens, Frédéric Thomas? Oui, mais c'est la manière dont elles arrivent et ce à quoi elles servent qui pose problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une aide structurante. Je pense qu'il y a eu en effet des problèmes de corruption, il y a eu beaucoup de gaspillage, mais même là où l'argent a été dépensé de bonne foi, c'est-à-dire dans la pour soigner des personnes, pour des logements provisoires, c'est une aide qui est utilisée pour sauver les personnes, pour répondre aux effets immédiats de la catastrophe, mais qui n'est pas structurante. Si vous soignez 50 000 personnes qui ont été blessées lors du séisme, ça ne dit rien sur l'accès aux soins 2 ans après, ça ne renforce pas les ministères de la Santé. Et de fait, on a assisté à une aide qui s'est essentiellement concentrée sur les effets immédiats et pas sur les causes sociales à l'origine de la catastrophe. Et donc, des années après, l'argent a été dépensé, mais les ONG se sont retirées et le ministère de la Santé, par exemple, est aussi faible ou encore plus faible qu'il y a 10 ans. Mais alors, vous dites que l'humanitaire, je vous cite, hein, Frédéric Thomas, a été le cache-sexe d'une catastrophe, d'une prolongation en quelque sorte de catastrophe, double catastrophe, avec donc évidemment la catastrophe évidente, celle du tremblement de terre, et puis aussi une catastrophe souterraine, c'est-à-dire à la fois une absence d'infrastructure et une prolongation de l'absence d'infrastructure dans un contexte parfaitement inégalitaire, Frédéric Thomas. Oui, parce que ce que je veux mettre en avant, c'est une forme de privatisation par voie humanitaire. C'est-à-dire, ce que les manifestants haïtiens, ils réclament, c'est pas plus d'ONG. Ce qu'ils réclament, c'est un accès à des services sociaux de base. Ce sont des politiques publiques de santé, d'éducation, de logement. Or, il y a une sorte de réflexe humanitaire au niveau de l'international par rapport à un État affaibli, avec un mode d'action, on va envoyer des ONG, on va débourser de l'aide, de l'alimentation, prodiguer des soins, mais qui va contourner un peu les institutions publiques. Sous prétexte de leur faiblesse, on va les affaiblir un peu plus et on va inscrire un peu plus les Haïtiens dans cette dépendance, parce que ce contournement des institutions, cette prise en charge par des services sociaux, par les ONG, elle est précaire, elle n'a qu'un temps, elle ne répond pas aux besoins des Haïtiens et Haïtiennes, si bien qu'on l'a vu, c'est pour cela qu'on parle de République des ONG, toute une série d'ONG qui sont arrivées, qui sont intervenues sans plan d'ensemble, sans coordination, en contournant les institutions publiques, et qui n'ont pas réussi, évidemment, à avoir un effet structurant sur l'accès à la santé, au logement, à l'éducation, aux politiques publiques. République des ONG, c'est un terme très dur, Frédéric Thomas, ça veut dire que ces ONG, elles ne servent à rien. Non, c'est plus compliqué que ça. Elles sont inscrites dans un cercle vicieux avec l'État haïtien, qui a bien sûr une responsabilité. C'est-à-dire l'État haïtien tend à se déresponsabiliser de tout ce qui est politique sociale pour se concentrer sur une politique économique ultralibérale. Et donc les ONG vont avoir tendance à prendre en charge ces aspects sociaux, mais elles ont un pouvoir économique et politique puissant qui souvent, par exemple, le ministère de la Santé, 80 ou 90% de son budget, il doit le demander à l'aide internationale. Et l'essentiel de ce budget, c'est pour son fonctionnement propre. Et donc, on va avoir un ministère très affaibli qui va être confronté à une série d'acteurs dont certains ont beaucoup plus de moyens que ces ministères et fonctionnent comme autant d'États dans l'État. Et donc, ils vont avoir toute une série de projets, mais ce sont des projets qui ne sont pas structurants, qui vont avoir une tendance à se substituer à l'État. Or, le problème de l'État haïtien, ce n'est pas la solution, ce n'est pas les ONG internationales. Et donc, c'est ce cercle vicieux dans lequel sont entrées ces ONG internationales et qu'elles n'arrivent pas à démonter du fait de leur culture, du fait de leur vision, et qu'elles reproduisent un peu plus, et elles exacerbent un peu la révolte des Haïtiens en présentant toujours un bilan positif de leur action, sans voir justement que tous ces petits projets qui réussissent ne constituent pas, ne se traduisent pas par une amélioration de la vie de l'ensemble des Haïtiens. Et alors justement, comment faire en sorte que ce pays ne s'enfonce pas dans la pauvreté? Parce que finalement, ce que vous décrivez, Frédéric Thomas, c'est un pays qui non seulement pâtit de la catastrophe, mais voit cette catastrophe décuplée par la situation d'absence complète d'État qui était le sien auparavant. Oui, donc comment faire? Mais déjà, essayer de ne plus avoir ce réflexe humanitaire, de ne lire la situation d'Haïti qu'à travers soit une malédiction, soit des catastrophes humanitaires. Parce que la crise humanitaire n'a duré que quelques semaines. Ce qui est structurant, c'était la tendance dominante, c'est une crise politique, sociale, économique. Et donc répondre à cette crise Pour y répondre, il faut d'autres moyens, d'autres actions que les actions de type humanitaire. Et donc, c'est appuyer les organisations haïtiennes qui tentent de développer et de renforcer des institutions publiques à tous les niveaux, non seulement de les renforcer, mais de les réinventer. Or, le paradoxe est que les Haïtiens se confrontaient à une double dépendance envers leur État et envers l'international, dont l'international, dont le mode d'action principal est l'humanitaire, qui ne leur rend pas compte, qui agit en leur nom, tout en leur tournant le dos, et qui n'améliorent pas leur vie. Donc eux, ils sont véritablement à la recherche de réinventer, de renforcer des institutions publiques qui agissent en leur nom, mais avec eux, qui rendent compte et qui construisent enfin véritablement des politiques publiques de santé, d'éducation, de logement, qui construisent vraiment les conditions d'un espace public et d'une vie digne. Ce que les ONG internationales et l'aide humanitaire ne peuvent pas faire. Et alors, justement, Frédéric Thomas, parce qu'il y a quelque chose d'assez désespérant dans la situation que vous décrivez. Est-ce qu'il y aurait un pays qui serait comparable? Alors, évidemment, deux pays identiques, cela n'existe pas, mais qui pourrait désigner une trajectoire, un projet pour Haïti qui permettrait à ce pays d'échapper à la spirale que vous décrivez? Mais donc, il y a des, en termes de structure de l'aide, c'est toujours très contradictoire. Donc, on parle souvent de l'exemple du Rwanda, parce que c'est aussi un petit pays où un État très fort, avec toute une série de problèmes sous-jacents, a imposé les canaux par lesquels l'aide devait intervenir et a montré une véritable amélioration, du moins en termes socio-économiques. Mais la situation est très différente. Là, à Haïti, la difficulté, c'est que l'humanitaire est aussi un indicateur de cette dépendance envers l'international. Et donc, ce que les Haïtiens et Haïtiennes veulent dans la rue, c'est aussi de se reprendre en main un peu le destin de leur vie, de leur pays, et de faire en sorte que les institutions, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, qui interviennent en Haïti, rendent compte, le fassent à partir de politiques formalisées qui ont été décidées, contrôlées par les Haïtiens. Donc c'est ça véritablement l'enjeu, c'est qu'il n'y ait plus cette indépendance totale d'un État haïtien et d'ONG internationales, qui ne rendent compte en fait que envers leurs bailleurs, envers le haut, envers ceux qui les financent, et jamais envers ceux qu'ils sont censés aider. Mais pourtant, le pouvoir haïtien, on l'entendait au début, est très contesté. Oui, totalement. Donc, mais c'est le problème, c'est que ce pouvoir haïtien, il est aujourd'hui soutenu uniquement par une partie de l'élite économique et par l'international. Par l'international au nom de la peur du chaos et de l'instabilité. Et donc, on se retrouve à nouveau face à cette situation où l'international soutient ce pouvoir et, pour un peu compenser son impopularité, est prêt à envoyer une aide humanitaire qui est un peu la carotte du bâton que représente Jovenel Moïse. Merci beaucoup Frédéric Thomas. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et chargé d'études pour l'ONG Centre Tricontinental. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées, vos critiques, vos idées de sujets de Superfell à mon adresse mail guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Ludovic Auger à la technique et complètement ruiné par Jordan Fuentes et David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.